Si non, ça va glisser. J'aime ça comme ça, moi. Ouh, Stéphanie a été régissante. Non, mais je peux te le vitesse, il a sorti le GAFA. Dans la poche. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, je faisais un peu pour le cinéma. Ah bah voilà. Juste que tu me décales un chouïa si tu peux. Ouais, ouais, si t'arrives. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. On voit pas les. C'est le mode clip. Ouais, bah ouais. Clip and destroy. Ouais, tu vois, quand tu le mets en clip, il le prend pas pareil. Là, on a entendu un bonus. Un bonus avant les deux chansons. Voilà. Ah, c'est merveilleux. Le bonus, je me suis trompé devant les paroles. C'est une nouvelle. Ah oh, c'est bien, un scoop. Oui. Ah. Oh, non, c'est bon. On y va? Oui. Attention, silence. On tente. Car leurs idées sont des engrais.